Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 52e émission, nous vous proposons une revue de presse où nous détaillerons la biographie d'une personnalité, en l'occurrence Éric de Rothschild, et où nous traiterons également de l'actualité et notamment des présidentielles. Pour parler de tout ça, chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Xavier de la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Rothschild, c'est un nom que tout le monde connaît, un nom enveloppé de mystère dont l'évocation fait penser aux puissants, aux banques, au pouvoir. Xavier, l'équipe de Faits et Documents, a réalisé la biographie de l'un d'entre eux, Éric de Rothschild, publiée dans le numéro 421 et relayée aujourd'hui même sur le site d'Égalité et Réconciliation. Pourquoi lui en particulier ? Alors on s'est intéressé à Éric de Rothschild dans le cadre de notre étude sur le Club des 100. Alors Faits et Documents est une revue de prosopographie, c'est une branche de l'histoire qui analyse une époque ou une classe sociale en fonction des biographies des membres d'un club, d'un cercle ou d'un cénacle. Et donc Éric de Rothschild étant propriétaire viticole, il est au Club des 100. Alors le Club des 100, c'est un club sans doute les plus fermés et les plus importants de Paris, qui a été fondé en 1912, où se réunissent 100 membres. Donc d'où le nom de Club des 100. Alors les 100 membres, c'est quelques personnalités mondaines du tout Paris. Je pense notamment à Philippe Bouvard, Pierre Arditi, Guillaume Gallienne, des gens qui ont un art de la conversation à table, vont aussi participer parmi ces 100 énormément de patrons du CAC 40, de personnalités très influentes du monde des affaires. Jean-Louis Beffa, Henri de Castries, Claude Bébéard, le milliardaire canadien Paul Desmarais, dont Nicolas Sarkozy jalousait la taille de la propriété, le milliardaire belge Albert Frère. Donc c'est vraiment le saint des saints. Donc que des riches, des hommes. Voilà, alors ça c'est une particularité intéressante parce qu'on voit souvent ces gens appartenant à l'hyperclasse faire la promotion du vivre ensemble, de la diversité, de la mixité, de l'égalité homme-femme. Or, quand on regarde la liste du Club des 100, souvent, c'est ce que Rokhaya Diallo appellerait des hommes blancs de plus de 60 ans qui se réunissent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un type de la diversité, il n'y a pas un jeune, ils sont tranquilles entre eux, ils se font des bonnes bouffes tous les jeudis dans une des meilleures tables de France ou en général à Paris. Ça va être par exemple l'Ambroise, place des Vosges. Alors évidemment, tous les grands chefs sont membres du Club des 100, que ce soit Ducasse, Bernard Pacot, justement, qui dirige l'Ambroise. Et il va y avoir également au Club des 100, par exemple, la personne qui gère les chasses présidentielles. Or, les chasses présidentielles ayant été abolies sous Chirac, on comprend tout l'intérêt pour eux d'avoir cette personne-là. C'est-à-dire que, comme il faut que que l'écosystème soit régulé parce que les animaux sont toujours là, eh ben on peut facilement imaginer que les membres du Club des 100 ont accès aux battues des domaines de chasse présidentielles. Donc si vous voulez, il y a énormément, alors c'est des grosses familles, et si vous voulez, vous n'êtes pas membre du Club des 100 parce que vous avez seulement réussi dans les affaires à un moment X ou Y. Souvent, les gens sont membres de familles, soit de la très haute aristocratie, des familles qui ont déjà occupé des responsabilités, des familles régnantes, en quelque sorte, ce que les communistes auraient appelé à une époque les 200 familles. Et alors Xavier, est-ce que ce Club des 100 a une influence réelle sur la politique française ? Alors officiellement, évidemment, non, puisque les gens ne s'y réunissent que pour parler de nourriture. Alors cela dit, vu la liste des membres, on peut quand même facilement supputer que certaines conversations en ce qui concerne des grosses affaires puissent s'y dérouler. Alors quelques hommes politiques en sont membres, par exemple Jean-Pierre Raffarin en est membre, Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation, en est membre, les personnalités qui sont au Club des 100 sont généralement, disons, d'un niveau supérieur aux hommes politiques. Et comment Éric de Rothschild est-il arrivé à rentrer au Club des 100 ? Alors déjà, Éric de Rothschild gère les activités viticoles de la branche familiale. Donc il va y avoir énormément de gros exploitants viticoles au Club des 100. Et je pense que c'est à ce titre que Éric de Rothschild est au Club des 100. Après, c'est très intéressant pour le Club des 100 d'avoir quelqu'un comme Éric de Rothschild. Et c'est inversement intéressant pour Éric de Rothschild d'être au Club des 100. C'est-à-dire que c'est un lien réciproque. Alors revenons un peu sur la famille d'Éric de Rothschild. Tu dis dans ta biographie qu'il est fils d'Alain de Rothschild, qui lui-même était à la tête, si je puis dire, des réseaux juifs français. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de la branche de la famille Rothschild. Donc, c'est le fameux Mayer Amschel qui avait 10 enfants, dont 5 fils, et qui vivait à Francfort, et qui a envoyé un de ses fils à Londres, un à Paris, un à Vienne et un à Naples. Et donc, d'où les 5 flèches du blason de la famille. Alors, oui, alors Éric de Rothschild, donc c'est le fils d'Alain de Rothschild, qui a été président du CRIF. Alors, pour bien préciser, la famille Rothschild a toujours eu un rôle de direction sur ce qu'on peut appeler le tissu communautaire juif. Alors, je vais donner un exemple. Donc, l'exemple de Robert Badinter, qui déclare à propos de la communauté juive, il déclare « Il y avait les Yides, les immigrés venus d'Europe centrale qui parlaient l'Yiddish, c'était le bas de l'échelle. Puis les Juifs qui constituaient la petite bourgeoisie, souvent commerçante. Au sommet, c'était les Israélites. » La bourgeoisie intellectuelle représentée par des hommes comme Léon Blum, le professeur Debré, la famille Lioncan, la plus belle réussite du mariage entre la République et les Juifs. Puis tout au-dessus, les Rothschild, un mythe. C'était les rois de la Chine pour la communauté juive. Cette famille, donc, a eu des responsabilités de direction dans la communauté juive, alors en se répartissant le travail. C'est-à-dire que dans l'ancienne génération, Guy présidait le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France, donc il a transmis cette présidence à son fils David. Alors, pour expliquer, le Fonds social juif unifié, c'est, si vous voulez, le pot commun qui organise chaque année une levée de fonds de la communauté juive, ce qui s'appelle la Tzedaka. Alors, tous les ans, vous avez un parrain de la Tzedaka. L'année dernière, c'était Cyril Hanouna. Et cette année, ce sera, il me semble, de mémoire, Yvan Attal et Dominique Farrugia, qui s'est converti au judaïsme, l'ancien humoriste des Nuls. Au Fonds social juif unifié, vous allez par exemple retrouver Jacques Attali, qui est vice-président du Fonds social juif unifié. Vous allez retrouver par exemple Robert Badinter, Roger Gérard Schwarzenberg. Alors, ils n'assistent pas forcément aux réunions, mais en tout cas, ils en reçoivent les PV. Et puis, c'est leur lien, si vous voulez, avec la communauté juive. Alors ça, c'est pour la branche Guy de Rothschild. Donc son fils David, qui est le cousin donc d'Éric, dont nous parlons. Et alors Éric, lui, c'est le fils du président du CRIF. Alors Alain de Rothschild, qui se caractérise par un sionisme assez viscéral, je vais le citer, hein, tu mets cette citation dans ta biographie. « L'État d'Israël pour le juif est devenu la réalisation de la parole divine. Depuis 2000 ans, le juif se tourne vers Jérusalem. Comment ne pas voir la main d'Élohim quand cette prière trois fois millénaire est exaucée ? Ce sera le devoir de tous les juifs de veiller et de contribuer à la sécurité de l'État dont l'existence, qu'on le veuille ou non, conditionne la survie du judaïsme comme force spirituelle dans le monde. » Oui, cette citation donc d'Alain de Rothschild, président du CRIF, peut apparaître comme étant une citation d'un sionisme ultra. Et pourtant, il faut largement nuancer. Parce que les Rothschild, et notamment Alain de Rothschild, à la fin de sa vie, a été mis en cause par l'arrivée d'une nouvelle génération qui était symbolisée par les frères Eichenberg, c'est-à-dire le renouveau juif. C'est-à-dire ces Ashkénazes, descendants de rescapés de la Shoah, qui reprochaient l'approche diplomatique qu'avaient les Rothschild. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour faire court, la politique de Valéry Giscard d'Estaing ne correspondait pas à la volonté israélienne. C'est la fameuse phrase que rappelle Manuel Valls, Valéry Giscard d'Estaing, qui regardait Israël avec des jumelles depuis la Palestine. Donc ça, ça a été repris dans une campagne de presse contre Valéry Giscard d'Estaing. Et les Rothschild, qui étaient au moins prêts à soutenir Valéry Giscard d'Estaing, ont été contraints par justement le renouveau juif de revenir sur ce soutien, puisque le renouveau juif soutenait clairement Mitterrand. Et aux 12 heures pour Israël, donc en 1980, devant François Mitterrand, Henri Eisenberg va mettre publiquement en cause les Rothschild. Et c'est la première fois où, si vous voulez, dans la communauté juive, va y avoir ce basculement. Alors, il y a un deuxième basculement qui s'opère en parallèle du renouveau juif, c'est l'arrivée massive des séfarades et la fin d'un judaïsme qui devenait libéral. Et notamment, c'est l'anecdote que je raconte dans la biographie, sur le mariage d'Éric de Rothschild. Avec Donna Maria Beatrice Caracciolo di Forino. Oui, voilà. Alors, c'est cette Donna Maria Beatrice Caracciolo di Forino. Et c'est une dessinatrice, une artiste, si on veut. Et elle est issue d'une grande famille ducale napolitaine. Donc, si vous voulez, c'est une catholique. Or, Jacob Kaplan, donc, qui était grand rabbin du consistoire central, avait demandé au Beit Din de Paris, donc au tribunal rabbinique de Paris, de bien vouloir marier Éric de Rothschild avec cette non-juive. Et avec l'arrivée des séfarades, le grand rabbin de France de l'époque, Samuel Sirat, s'était opposé à ce mariage. Et donc, du coup, Éric de Rothschild a dû passer par le Beit Din de Rabat pour pouvoir épouser cette Goya. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, elle a changé de prénom. C'est-à-dire qu'à la place de Maria, c'est devenu Rachel. De ce mariage naissent trois enfants, James, Saskia et Pietro. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une famille, c'est sur des générations et des générations. Donc la petite dernière, en l'occurrence, qui est née en 1987, Saskia, ce qui est intéressant, c'est que on voit très bien son appartenance aux élites mondialisées. C'est-à-dire qu'elle est pigiste pour le New York Times, la revue 21, Vanity Fair, l'International Herald Tribune, Libération. Et dernièrement, elle a réalisé une exposition de photographie en partenariat avec la mairie de Paris et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, cette exposition s'appelle « Talents en exil, réfugiés à Paris ». Vous voyez, donc, vous imaginez bien que les Rothschild n'accueillent pas des réfugiés chez eux. Mais, si vous voulez, c'est un sujet qui, en tout cas, les intéresse et qu'ils promeuvent. Alors, Xavier, quel est le parcours d'Éric de Rothschild ? D'où vient-il ? Alors déjà, Éric de Rothschild, il naît en 1940 à New York. Et donc il suit des études, il est parfaitement anglophone, hein, il suit ses études d'abord à New York, puis ensuite dans une école anglaise. Il est diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich, donc il a certainement pas réussi à intégrer une grande école française, et il commence au sein de la société anonyme de gérance d'armement, donc qui est contrôlée par sa famille. Et ensuite, il va son grand fait d'armes, si on veut, c'est de relancer avec David de Rothschild, son cousin. La banque Rothschild qui avait été nationalisée sous Mitterrand. Alors, à propos de cette nationalisation de février 82, il faut se rappeler notamment du patron de la banque à l'époque, Guy de Rothschild, qui avait déclaré dans Le Monde « Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand, ça suffit ». Et donc, Alain et Guy de Rothschild s'étaient une nouvelle fois réfugiés à New York. Alors, ce qui est moins raconté, c'est qu'avant la nationalisation, le Trésor avait versé 440 millions de francs d'indemnisation à la banque Rothschild, alors qu'en vérité, la plupart des experts, à l'époque, disaient qu'elle était au bord de l'effondrement. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment beaucoup souffert. Et puis, de toute façon, la société a été recréée très, très rapidement et a réouvert dès 84 à Paris. Ok, alors ce qui est intéressant dans cette relance dont tu parles, c'est le soutien des politiques français, notamment de Jacques Attali et Robert Badinter auprès de François Mitterrand. pour la relance des activités bancaires des Rothschild. Voilà, alors ce qui se dit, c'est que Jacques Attali avait protégé la banque Lazare de la nationalisation, mais pour Rothschild, c'était vraiment un symbole, puisque le nom, c'est même une expression, on dit la fortune à Rothschild. Donc c'était vraiment un symbole, et puis les communistes en avaient fait un point central. Il fallait que Rothschild soit nationalisé. Comme on l'a vu, c'est encore une fois un effet d'annonce, puisque la banque a pu largement redémarrer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que habituellement dans les journaux, c'est David de Rothschild qui est présenté comme la personnalité forte de la famille. Or, quand on regarde vraiment les statuts, même s'il n'a pas de rôle opérationnel, on voit bien que c'est lui qui possède le plus de parts dans Paris-Orléans, donc la société qui chapeaute la banque Rothschild. Il est président du conseil de surveillance. Éric de Rothschild. Et même si David apparaît comme la personnalité forte, on peut quand même voir en Éric de Rothschild le chef de famille. Par exemple, il va présider le comité familial pour le nom de la marque. Pour l'utilisation du nom. Ouais. Pour l'utilisation du nom, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui, par exemple, ouvrent un hôtel et puis disent Hôtel Rothschild, alors les gens y vont parce que ça fait bien. Voilà. Donc c'est lui qui va s'occuper de ça, par exemple. Alors il peut quand même ramener ses propres clients, même s'il n'apparaît pas dans l'organigramme. D'ailleurs, en 84, lorsque les activités bancaires sont relancées, la banque s'appelle PO Bank, et c'est sous Jacques Chirac, donc la droite, que la banque va retrouver son patronyme Rothschild. Voilà, en 86, alors ce qui fait la force des Rothschild, c'est leur lien. La banque Rothschild, c'est pas une banque de dépôt, c'est une banque de fusion-acquisition, c'est-à-dire que c'est les mariages entre les grandes entreprises du CAC 40, donc c'est vraiment un rôle d'intermédiation pure. Et ce qui fait la puissance de la banque Rothschild sur la politique française, c'est le fait que beaucoup d'hommes politiques font des allers-retours entre le pouvoir politique et la banque. Alors le cas le plus connu, c'est Georges Pompidou, qui a dirigé la banque Rothschild, et puis ensuite qui est devenu Premier ministre de Charles de Gaulle, puis président de la France, avec la loi de 1973 qui oblige l'État à emprunter sur les marchés financiers. Et puis, il y a eu, à droite, de façon très notoire, il y a eu des liens très très forts entre les milieux baladuriens et les milieux et la banque Rothschild, notamment via Nicolas Bazire, qui était un très proche d'Édouard Balladur. Et Balladur lui-même avait rencontré David de Rothschild en 1989 à un réveillon de Nouvel An au château de Ferrières. Donc participait également à ce réveillon Bernard-Henri Lévy, par exemple. Alors Nicolas Bazire, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, qui a même été son témoin de mariage avec Carla Bruni en 2008. Et pendant donc la deuxième cohabitation, donc plus tard, entre 93 et 95, il sera directeur de cabinet d'Édouard Balladur, alors Premier ministre. Et dès qu'Édouard Balladur sera finalement éjecté, et ben, en fin 1995, Nicolas Bazire devient associé gérant de chez Rothschild. Et à partir de 95, alors dans le livre Rothschild, une banque au pouvoir, écrit par Martine Orange, cette journaliste de Mediapart rapporte que Nicolas Sarkozy, je cite, « hantait les couloirs de la banque ». Alors dans les milieux baladuriens, une autre personnalité qui a été très liée à la banque Rothschild, c'est Alain Minc. Et qui, alors lui, il a été conseiller d'Édouard de Rothschild, qui est le demi-frère donc de David, et qui a jadis été propriétaire de Libération avant que le titre ne soit revendu à Patrick Drahi. Donc Alain Minc, qui actuellement soutient Alain Juppé, ce qui est d'ailleurs assez mauvais signe pour Alain Juppé. Alors, autre personnalité qui fait le lien entre Nicolas Sarkozy et la banque Rothschild, c'est François Pérol, qui a été membre de son cabinet donc au ministère de l'économie jusqu'en 2004 et qui rejoindra ensuite Nicolas Sarkozy en 2007 comme conseiller économique à l'Élysée et qui, entre-temps, avait occupé des fonctions d'associé gérant au sein de la banque Rothschild. D'ailleurs, à l'époque, en 2007, quand Nicolas Sarkozy avait voulu récupérer François Pérol, il avait appelé David de Rothschild pour lui demander son autorisation. Et David de Rothschild, grand seigneur, qui aime à dire « c'est la tradition de la maison de se mettre à la disposition de la République ». Et à gauche, on a Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, c'est le cas le plus connu, qui était associé gérant chez Rothschild, et puis qui, après la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle de 2012, est devenu son conseiller économique avant de devenir son ministre de l'économie. Alors à gauche, toujours par le passé, il y a eu le cas célèbre de Jean-Charles Naouri, qui a été directeur de cabinet jusqu'en 1986 de Pierre Bérégovoy, avant de rejoindre la banque Rothschild, et dont le frère Jean-Yves a été longtemps aussi le bras droit de Maurice Lévy à Publicis. Toujours à gauche, le cas aussi célèbre de Lionel Zinzou, qui a été un très proche de Laurent Fabius, qui a rédigé ses discours, et puis qui a été associé gérant chez Rothschild, et qui a récemment perdu la présidentielle béninoise, je crois, contre Patrice Talon. Alors sur la stratégie très offensive de la banque Rothschild, tu cites dans ta biographie Martine Orange, dont tu parlais tout à l'heure, Xavier. Alors ce passage est à mon sens très intéressant, je vais le citer. Tout ce qui recèle des plus-values de cession immédiates ou qui n'assure pas des revenus récurrents est écarté. On vend rapidement des participations dans des entrepôts frigorifiques, des terrains dans Elf Gabon ou des sociétés minières pour se recentrer sur quelques lignes. La CGIM, Société Immobilière d'Économie Mixte, spécialisée dans le logement social, détenue à 60% aux côtés de la ville de Paris. Le courtage d'assurance à travers une entité dénommée la SIACI. L'exploration pétrolière par l'intermédiaire de la Francarep et les vignobles avec un art consommé. La famille va utiliser son prestige, son nom, sa renommée dans le vin pour faire venir des investisseurs. Ils apportent des fonds, mais restent toujours minoritaires. Les montages s'enchaînent, les vignobles sont finalisés, puis repris, puis rouverts à des capitaux extérieurs, puis reviennent sous contrôle familial. Les vignobles ont changé 5 fois de main, en rit encore Éric de Rothschild, qui reconnaît que les montages financiers l'amusent. Donc Xavier, on voit bien que cette stratégie financière s'appuie notamment sur les vignobles qu'il possède. Alors, on lit dans ta biographie qu'il possède beaucoup de propriétés en France et ailleurs, une propriété au Chili, Los Vascos, une propriété immense au Portugal. Et donc, il y a une citation que tu relèves de Éric de Rothschild. « Je peux vous révéler que pour obtenir des grands vins, il ne faut ni plus ni moins que suivre les prescriptions de la cache-route. » Oui, ben... On n'est pas obligé de le croire, mais ça voudrait dire que le vin Lafitte Rothschild, qui est un très grand cru, serait en vérité du vin cachet. Et alors Xavier, Éric de Rothschild est une personnalité du tout Paris. Oui, il suffit de taper sa photo sur Google Images pour le voir, avec tantôt avec Pierre Berger, tantôt avec Frédéric Mitterrand, avec le ministre de la Culture Fleur Pellerin, avec Nicolas Sarkozy, avec toutes sortes de personnalités, Ariel Dombal, etc. Et ce qui est central dans la compréhension du parcours d'Éric de Rothschild et pourquoi il est important, c'est qu'il dirige le mémorial de la Shoah. Et ça, c'est absolument central parce que ça lui permet, si vous voulez, d'être à des tas de cérémonies, à toutes les cérémonies qui se font au nom du devoir de mémoire, où les autorités républicaines vont se soumettre au nom du devoir de mémoire à ce que représente Éric de Rothschild, c'est-à-dire le soutien inconditionnel à Israël et la finance. Et puis Éric de Rothschild est également un grand amateur d'art. Éric de Rothschild, c'est un immense collectionneur de tableaux. Alors là c'est pareil, il a récemment vendu 2 portraits de Rembrandt aux États français et hollandais pour la somme de 160 millions d'euros. Donc ça donne un peu une idée de la collection qu'il doit avoir. Et par ailleurs, c'est Guy Wildenstein, donc le célèbre collectionneur de tableaux qui est actuellement à des démêlés avec la justice, qu'il a coopté au Club des 100. Alors il a financé avec d'autres, avec Patrick Drahi, Denis Oliven, François Pinault, Serge Weinberg, Claude Bébéard, l'entrée d'Alain Finkielkraut à l'Académie française. Donc il a mis son obol pour financer le costume, l'épée et évidemment les cocktails rigueur. Pour un coût de 100 000 euros. C'est une somme extravagante que j'ai apprise dans ta biographie. Et d'ailleurs, pour revenir sur les chiffres, tu es passé un peu vite sur le mémorial de la Shoah. On apprend également qu'il finance, mais il fait financer par les autorités publiques, tout ce qui concerne justement la mémoire de la Shoah. Et on apprend que la mairie de Paris finance à 50% le mémorial de la Shoah, soit un montant de 7 millions d'euros. Une dernière précision sur la famille Rothschild et les hommes politiques. Donc j'ai abordé tout à l'heure leur lien avec notamment les réseaux sarkozystes et baladuriens. Et puis on peut aussi citer le cas de Guillaume Anezzo, qui a été conseiller économique de Pierre Bérégovoy, puis de François Mitterrand, avant de rejoindre la Banque Rothschild. Alors la Banque Rothschild aussi, c'est son influence principalement s'exerce sur Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, puisqu'en général les gens qui font la navette sont des inspecteurs généraux des finances, c'est-à-dire cette corporation qui sont l'élite de l'élite républicaine, puisque c'est les premiers au classement de sortie de l'ENA. Et par exemple l'association amicale du Trésor, donc qui regroupe les directeurs du Trésor et les anciens directeurs du Trésor, a fêté par exemple ses 20 ans rue de Messine, donc directement au siège de la banque Rothschild. Et alors Xavier, j'ai lu dans ta bio que les Rothschild finançaient également le halal. Oui, alors Hicham Hamza a aussi beaucoup parlé de ça, mais par exemple Eric de Rothschild a financé le business angel des cités, donc du franco-marocain Aziz Seni, et qui a servi à ouvrir des boutiques telles que Koulalal ou Mecca Pasta, Medina Shop, dont on parle dans la biographie. Mais c'est pas ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple il a en décembre 2015 il a remis le prix de la fondation Kazib Kojazor, donc qui est la fondation des œuvres sociales de la communauté juive, a remis tous les ans un prix pour un ouvrage qui a plu ses dirigeants. Et le dernier prix a été remis, par exemple, à Caroline Fourest. Donc c'est à la fois financer le halal, à la fois financer la critique de l'islam. Voilà. Donc pour dire que ces deux choses, que ce soit le halal ou l'islamophobie, si on veut, ne dérange absolument pas Eric de Rothschild. Et Xavier, on a parlé tout à l'heure du renouveau juif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un réseau juif concurrent au Rothschild ? Alors oui, pour revenir sur cet épisode, ce qu'on peut dire, c'est que, disons que l'ambassade d'Israël a pris, disons, ces 30 dernières années, mais ça s'est vraiment accéléré, une importance capitale dans la gestion des objectifs politiques de la communauté juive organisée. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, l'ambassade d'Israël a une importance bien supérieure au Rothschild. Xavier, des associés de la banque Rothschild ont-ils une influence sur les présidentielles de 2017 ? Outre le phénomène Emmanuel Macron, on voit très bien, par exemple, Grégoire Heuzé, ancien conseiller pour l'industrie au cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, qui est actuellement associé gérant chez Rothschild, qui est un très proche de Bruno Le Maire. On trouve aussi Nicolas Bazire dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, qu'on a déjà évoqué, qui est actuellement membre du comité exécutif de LVMH, le groupe de Bernard Arnault, mais qui a été directeur de cabinet d'Edouard Balladur à Matignon, puis associé gérant de chez Rothschild. Sébastien Proto aussi, associé gérant de chez Rothschild, qui rédige actuellement, en plus de ses heures de travail, le programme économique de Nicolas Sarkozy. Alors, il a été directeur de cabinet d'Eric Zwirth au ministère de l'économie, avant de passer chez la banque Rothschild, et puis de retourner ensuite au ministère de l'économie et des finances sous Valérie Pécresse comme directeur de cabinet. Alors, ce qui peut poser problème, c'est qu'évidemment, ces gens-là ont accès à des secrets d'État, en travaillant à ce niveau de poste, et que la commission de déontologie de la fonction publique ne voit jamais aucun problème à ces allers-retours entre la banque Rothschild et Bercy. Et dans l'entourage de Jean-François Copé, un personnage central de la banque Rothschild, puisqu'il est le premier associé gérant, Grégoire Chertok, donc qui est premier associé gérant de chez Rothschild et qui apparaît comme étant une des plus proches relations de Jean-François Copé. Il y en a un qui ne semble pas sous influence des Rothschild, c'est Poisson. Oui, Jean-Frédéric Poisson qui a expliqué dans Nice Matin que la soumission d'Hillary Clinton aux lobbies sionistes était un danger pour l'Europe et pour la France. Aïe, aïe, aïe. Alors, il a tenu quelques temps, évidemment. Il a été interviewé sur RCJ, donc Média du Fonds Social Juif Unifié, dont on a détaillé au cours de cette émission ce que c'était. Il a tenu quelques temps. Et face au rouleau compresseur médiatique, il a fini par s'excuser au micro de France Info. Alors sur cette affaire Poisson, on a eu ensuite la déclaration absolument extraordinaire de Meir Habib, qu'on ne peut pas ne pas citer aujourd'hui, Xavier. Oui, alors oui, meilleur Habib, c'est ce que je disais sur le surclassement par l'ambassade d'Israël, c'est-à-dire que là, meilleur Habib, c'est directement Benjamin Netanyahou, donc qui monte au créneau et qui passe un coup de téléphone et à qui Jean-Frédéric Poisson a passé un coup de téléphone. Donc là, il poste sur Facebook, je cite, Jean-Frédéric Poisson m'a téléphoné hier après-midi et nous nous sommes longuement entretenus de la lettre que j'ai adressée dimanche à la présidence de la haute autorité pour la primaire au sujet de ses propos troublants sur les lobbies sionistes. Lettre que j'ai publiée hier dans le Huffington Post. Il a réitéré ses excuses, m'a redit qu'il avait commis une erreur et qu'il voulait parler de groupes de pression aux États-Unis. Il m'a demandé pardon, ainsi qu'aux Juifs français et aux Israéliens qui ont été profondément heurtés par ses propos. Jean-Frédéric Poisson m'assurait qu'il n'était pas antisémite et condamnait l'antisémitisme. Il m'a rapporté quelques anecdotes personnelles pour en témoigner. Donc là, il a dû dire qu'il avait un copain juif, quoi. J'ai pris acte de ses paroles et les senti sincères. On est rassuré. En ce qui me concerne, je clôt cette affaire à ce stade. Je pardonne, mais n'oublie pas. Seuls les actes comptent et la vigilance s'impose. Donc là, ça veut dire tout ce que tu diras sera soumis au radar de la vigilance. On ne pardonne pas, on n'oublie pas. C'est absolument extraordinaire parce que ce petit texte démontre que justement ce que Jean-Frédéric Poisson dénonçait existe. Oui, c'est absolument ça. Oui, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire qu'il dénonce quelque chose et puis la confirmation vient... Du fait qu'il soit obligé de dire que justement le lobby n'existe pas. Mais de toute façon, il suffit de regarder la classe politique. Plus personne n'ose être pro-palestinien, plus personne n'ose prôner une politique équilibrée au Moyen-Orient. Il ne s'agit même pas d'être pro-palestinien, il s'agit juste de promouvoir la politique qu'on appelle gaulo-mitterrandienne d'équilibre au Moyen-Orient et de ne pas être sioniste à tout craint. Et alors c'est pareil, Emmanuel Macron... qui avait osé une sortie. Oui, il parlait de la laïcité revancharde, et il s'était ému des écoles confessionnelles qui enseignent la haine de la République, professent des enseignements essentiellement en arabe ou ailleurs, enseignent la Torah plus que les savoirs fondamentaux. Alors là, pareil, Emmanuel Macron, tout de suite, il a été interviewé donc le lendemain sur RCJ, et il déclare cette phrase, je ne l'ai pas prononcée, je ne l'ai pas validée, le journal n'a pas tenu compte de mes modifications. Et ensuite, il a présenté ses excuses dans un communiqué officiel à l'Alliance des Pavillons sous bois, donc à l'école juive en question, 3 jours plus tard. Xavier, concernant les primaires à droite, quelles informations peux-tu nous délivrer ? Alors, sur l'élection présidentielle, le problème qui se pose et qui se pose aux journalistes et qui se pose également au milieu financier, et patronaux, c'est que il y a un manque de visibilité totale sur cette élection présidentielle. Alors il y a cette imprévisibilité totale parce que d'abord il y a un contexte international. On voit bien qu'à chaque fois que les peuples sont appelés à voter, ils votent systématiquement désormais contre ce que leur propose l'élite occidentale, principalement en Occident. Donc ça a été le cas du Brexit. Là, nous attendons, tout le monde attend les élections américaines où la victoire d'Hillary Clinton écrasante n'est pas du tout évidente. Là, une dernière affaire ces derniers jours est ressortie sur les emails et on voit Donald Trump remonter. Donc là, l'empire qui passerait sous contrôle populiste. Voilà, donc en plus, d'ici là, va y aussi avoir le référendum proposé par Matteo Renzi en Italie, qui est loin d'être gagné, et l'élection présidentielle autrichienne, qui a encore été repoussée. Alors il me semble que ça devait se dérouler en octobre, et puis ça va se dérouler en décembre. Donc on voit, déjà, il y a ce premier facteur, avec une montée du Front National, qui... à une offre politique identifiée de longue date par les Français et qui, sans avoir à beaucoup parler, monte. Et sa présence au second tour semble actée. Alors évidemment, tous les hommes politiques se disent « Tiens, bah, si je tombe contre Marine Le Pen, je suis élu. » Ce qui fait qu'il y a une espèce de... Tout le monde se presse pour cette élection. Et le premier événement qui va donc intervenir, c'est la primaire Les Républicains. Alors cette primaire... On a déjà évoqué le cas Poisson, qui met un peu de piment dans ce débat un peu triste. Mais plus sérieusement, ce qu'il en ressort, c'est qu'elle ne devrait en aucun cas fixer un candidat. C'est-à-dire que François Fillon a longtemps dit que quoi qu'il se passe, il ira au bout. Nicolas Sarkozy, tant qu'il n'est pas à l'ombre, il continuera. Et Alain Juppé se répand en privé en expliquant que de toute façon, il ira au bout. Donc on risque, alors ils ont évidemment juré devant les téléspectateurs qu'ils se rangeraient derrière le vainqueur de la primaire, mais ça, c'est pas sûr du tout. Donc on risque de se retrouver avec plusieurs candidats à droite, avec des candidatures en plus qui pourraient intervenir après la primaire. Je pense notamment à Henri Guénaud, dont on dit qu'il penserait à se présenter également. Ce qui pourrait favoriser la gauche. Alors, ce qui est intéressant à gauche, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que François Hollande est au plus bas dans les sondages. Il est donné comme mort politiquement. Alors qu'il devait lancer sa candidature avec la fameuse une de l'Obs du 13 octobre où il y a sa tête avec écrit « Je suis prêt » et sorti le livre « Un président ne devrait pas dire ça » des deux journalistes du Monde. Et donc ce livre finalement a eu assez peu d'écho dans l'opinion publique. Alors ça s'est bien vendu, mais si vous allez au bistrot, vous voyez bien que les gens ne parlent pas de ça au comptoir. Ça a vraiment eu un effet de choc. Disons dans le Landerneau, et puis à l'intérieur du Parti Socialiste, puisque des gens, évidemment, se sont sentis attaqués. Alors, cela dit, est-ce qu'Hollande est vraiment mort? Ça, c'est une question assez centrale, parce que François Hollande, il a été donné mort pratiquement toute sa carrière politique, c'est-à-dire en 2002, en 2005 après le référendum, après Jospin. Il était à 3% avant l'affaire du Sofitel de New York, et puis finalement il est devenu président. François Hollande a conscience que, si vous voulez, les autres candidats comme Ségolène Royal ou Manuel Valls, dont on parle d'une candidature, est-ce qu'ils vont vraiment se présenter en assumant le bilan de François Hollande et en étant sûr d'être pratiquement à moins de 10%? Parce que c'est là que ça se joue, c'est-à-dire que le Parti Socialiste pourrait être à moins de 10%. L'opinion publique et les désavoue complètement. Et donc, si vous voulez, en même, d'un côté, tout le monde peut se dire « bon, bah, j'y vais à la place d'Hollande », et à la fois, personne n'ose y aller en se disant « bon, bah, est-ce que c'est moi qui vais assumer le bilan ?» Et François Hollande reste soutenu et conseillé par deux figures trotskistes, donc Jean-Christophe Cambadélis, issu de l'OCI, et Julien Drey, issu de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui sont, il faut bien le dire, les deux personnes, les deux têtes pensantes au Parti Socialiste, sans doute avec Jean-Marie Le Guen. Donc François Hollande, il fait un peu penser, vous savez, à la tortue qui va sur une plage pour pondre ses œufs, et sur la plage, il y a tous les crocodiles qui attendent et qui se disent « bon, bah, qu'elle ponde ses œufs, qu'elle retourne à l'eau, et puis on bouffera les petits quand ils sortiront du sable ». Et en fait, et c'est pour ça que François Hollande, quelque part, c'est un invertébré avec sa carapace à l'extérieur, avec son squelette à l'extérieur, et tout lui passe dessus. C'est-à-dire, le symbole du quinquennat, c'est ces cérémonies pluvieuses, on le voit avec son anorak, et lui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le symbole, c'est l'imperméable, c'est-à-dire que l'eau lui coule dessus, ne transperce jamais, comme les ailes d'un canard, si on veut. Et François Hollande étant... Flamby, quoi, c'est flamby. Oui, mais plus que ça, parce que flamby, on peut le bouffer, alors que lui, il est insaisissable, quoi, si vous voulez. Il est insaisissable, il est inatteignable, et on peut se dire que lui, dans son calcul, il se dit, bon, bah, là, j'attends que ça passe, la séquence, un président ne devrait pas dire ça. J'ai mes réseaux... qui s'active, on va proposer une union de la gauche de toute façon pour sauver un maximum de postes après les législatives, parce qu'il y a les législatives qui suivent derrière, et personne veut perdre, ou en tout cas ils veulent sauver les meubles pour les législatives. Donc moi je tout le monde enterre François Hollande, moi je l'enterrerai pas aussi vite que ça. Et est-ce que la fusée Macron a torpillé Valls ? La fusée Macron, on ne sait pas trop où elle va atterrir, du coup. Bah, Emmanuel Macron joue la carte, si vous voulez, du gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que les élites vont vendre un double danger, c'est-à-dire d'un côté le danger Front National, d'un autre côté le danger Daesh, comme étant les deux principales menaces à la République. Et donc, pour faire face à cette menace, il faut un pacte d'union nationale. Et on voit bien qu'il fait un peu le grand écart, parce que il a déclaré, par exemple, dans le 1 Hebdo, alors le 1 Hebdo, c'est un journal d'opinion financé par Henri Herman, donc un multimillionnaire de la grande distribution, qui est le grand argentier de la deuxième gauche, qui a été le témoin de mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte Trogneux. Et donc, dans le 1 Hebdo, donc le journal de ce multimillionnaire, il déclare... Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Donc voilà. Vous avez typiquement une... Il va s'afficher avec Philippe de Villiers le jour où il déclare qu'il n'est pas socialiste. En même temps, on va voir s'activer derrière lui tous les réseaux strauss-kahniens. C'est-à-dire vraiment les équipes d'Emmanuel Macron, quand on regarde en profondeur, c'est vraiment des gens qui étaient strauss-kahniens. Et puis, il y a évidemment le soutien de la City qui ressort très clairement dans les soutiens d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron ira jusqu'au bout ? Emmanuel Macron, il est un peu puceau en politique, c'est-à-dire qu'il a jamais tracté sur un marché. Pour être candidat, faut quand même avoir un parti, avoir des troupes. On dit qu'il a 89 000 adhérents à En Marche, c'est ce qui fait doucement rigoler, parce que quand on va sur En Marche, il faut rentrer son adresse avant d'accéder. Donc, en fait, il faut adhérer avant d'accéder au site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 89 000 adhérents? Bon, puis on sent pas non plus de volonté populaire au-delà des colonnes des journaux, quoi. Et en revanche, il y en a un qui pourrait tirer ses marrons du feu, théoriquement, de cette division de la gauche, c'est Mélenchon. Qu'en est-il de la candidature de Mélenchon ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, il va avoir un double problème, c'est que je pense que les socialistes vont donner des consignes pour pas qu'il ait ses signatures, et que d'autre part, il a l'opposition très claire du Parti communiste. Donc le Parti communiste, et là des chiffres sont sortis comme quoi il aurait moins de 80 signatures. Alors après, il a évidemment un discours qui est très largement souverainiste. Il reprend à son compte les thèses, ou en tout cas la thématique souverainiste au sein de la gauche, qui a longtemps été incarnée par Chevènement. Alors ce qui est intéressant, c'est que il se dit qu'il est alimenté en note par Patrick Buisson, hein, parce que c'est un proche de Patrick Buisson, aussi surprenant que ça puisse paraître, puisque il avait assisté à sa remise de Légion d'honneur. Et en même temps, ce qui est un peu dérangeant chez Macron, chez Mélenchon, c'est qu'on se dit, est-ce que son discours, ne serait-ce que déjà le numéro 2 de son parti, peut déjà l'accepter ? C'est-à-dire que dans ses troupes, s'il continue comme ça, il sera forcément perçu comme un nationaliste, un tenant du repli sur soi. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand il a planché au Grand Orient de France l'année dernière, alors... à la fin, il y a toujours, quand ils planchent comme ça des candidats, il y a toujours le grand maître, le conseil de l'ordre, et ainsi de suite. Et tout ce qu'il avait dit, bon, ils étaient d'accord, sauf ce qu'il disait notamment sur les États-Unis, sur l'OTAN, et tous ces aspects-là. Donc on voit bien que Mélenchon, je pense qu'il va y avoir un gros blocage au niveau des parrainages, et que d'autre part, ses troupes ne le suivront pas s'il va trop loin, et que même s'il est frère, hein, du Grand Orient, six membres du Grand Orient, d'ailleurs sur le carton d'invitation, ils avaient mis tenue blanche fermée, comme s'il n'avait pas été franc-maçon, alors qu'il l'est. Je pense que son discours dérangera. Alors d'ailleurs, puisque tu parles de la franc-maçonnerie, Xavier, j'ai été étonné de voir que on a vu des candidats de droite passer au Grand Orient de France. Oui, bah ça c'est une tradition républicaine, si on peut dire. Et évidemment, les candidats à l'élection présidentielle en général ont commencé à plancher. Alors Emmanuel Macron a planché devant le Grand Orient de France. Et puis évidemment, chez les candidats de la primaire à droite, sont déjà passés de mémoire Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire. Et puis plus récemment, Alain Juppé. Alors Alain Juppé qui a été très apprécié. Alors d'ailleurs, sur l'invitation, quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'il n'a pas écrit candidat à la primaire Les Républicains, mais candidat à l'élection à la présidence de la République. Donc eux passent directement par-dessus la primaire. Et alors Alain Juppé a proposé un code de la laïcité, ce qui a été très apprécié. Mais ce qui a été moins apprécié, c'est qu'il a refusé de s'exprimer clairement sur le revenu universel. Alors le revenu universel, c'est un genre de RSA mondial qui est voulu par l'oligarchie mondiale, clairement, puisque le sujet a été abordé au dernier sommet Bilderberg. Donc ça a fait l'objet d'énormément de planches dans les loges. Et là, d'ailleurs, ce dispositif va être mis en place, il me semble, par la Fondation Jean Jaurès et le conseil départemental socialiste de Gironde. Et donc Alain Juppé a émis quelques réserves, alors que les francs-maçons auraient certainement apprécié qu'il s'engage plus en sa faveur. Alors Xavier, j'ai lu dans le dernier fait et document que François Baroin, un proche du clan Chirac, un potentiel Premier ministre en cas de victoire de Sarkozy, est passé au dîner de la Grande Loge de France. Le grand maître de la Grande Loge de France avait reçu quelques temps avant Alain Juppé, pour justement équilibrer avec cette invitation de François Baroin au dîner de la Grande Loge de France. Donc François Baroin, qui sera certainement Premier ministre en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, qui est lui-même fils d'un grand maître du Grand Orient de France, proche du clan Chirac, et qui a donc prononcé l'allocution lors du dîner de la Grande Loge de France. Alors, pour voir un peu ces dîners, c'est-à-dire que soit ça a de l'influence, soit ça n'en a pas. Mais si autant de gens s'y pressent, c'est qu'ils doivent bien penser que c'est important pour leur carrière. Et inversement, la Grande Loge de France est contente d'avoir tout ce beau monde. Alors, parmi les invités du dîner, il y avait par exemple Jérôme Fenoglio, donc directeur du quotidien Le Monde, Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, Silver Henri Cissé, donc journaliste sportif à Canal+. Vous avez Frédéric Lopez, qui est animateur sur France 2. Vous avez Eric Nolot qui était là, Rachid Embarki qui est présentateur sur BFM TV, Christine Kelly qui est membre du CSA, Michel Fugain, le chanteur, Didier Bourdon qui est membre des Inconnus, un certain nombre de personnes. Voilà ce dîner mondain. Et qui était le deuxième invité? Alain Jakubowicz. Et je vous laisse découvrir en exclusivité le discours du président de la LICRA devant les frères de la Grande Loge de France. Mesdames, messieurs et j'oserais, chers amis. Je vais commencer par une confidence. Je ne suis pas Yvan Attal. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop. Et en tout cas, je vous prie de m'en excuser. Et je n'ai aucunement l'intention de le remplacer. Yvan Attal est un ami. Il se trouve qu'il a eu une impossibilité ce soir, que la Grande Loge de France m'a fait l'honneur, en prenant peut-être quelques risques, de m'inviter en ces lieux et places. J'entends y prendre toute ma part, à vos risques et périls. Je tiens bien sûr à vous remercier, avant tout, de l'honneur, même par procuration, que vous me faites en m'invitant à prendre la parole à la faveur de ce dîner annuel de la Grande Loge de France. Ce soir, si vos temples étaient dotés d'un tocsin, j'en userais de toutes mes forces, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire parce qu'une offensive contre la République est à l'œuvre, et notre pays, étourdi par la peur et l'angoisse, se trouve devant des choix décisifs. Il y a évidemment la menace immédiate, le terrorisme qui vient de faire vivre à la nation deux années particulièrement douloureuses. Nous avons été touchés en plein cœur, dans notre chair, dans notre identité, dans notre âme. La liberté de la presse, à Charlie Hebdo, la communauté juive, à l'hypercacher, la douceur de vivre au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de Paris, la communion nationale le 14 juillet à Nice, les catholiques à Saint-Étienne-du-Rouvray, les forces de l'ordre à Magnanville. Ce terrorisme, disons-le clairement, c'est celui d'un islam politique qui distille le poison du communautarisme et du séparatisme. Il porte en lui les ferments de la haine, de l'affrontement et du chaos, par marches successives. Ils montent à l'assaut de notre socle commun, celui de nos valeurs universelles, de la laïcité et tout simplement de notre régime de liberté. Comme tous les totalitarismes, dans toute l'histoire de l'humanité, ils testent notre capacité à résister. Son dessein est d'imposer le primat de la charia sur les lois de la République. Sa logique d'exclusion est infinie, elle est létale. Mais une seconde menace pèse concomitamment sur la France. Celle de voir pour la première fois de notre histoire l'extrême droite accéder au pouvoir sans violence, démocratiquement, et non par effraction comme elle le fit en juillet 40. Le danger n'est pas seulement de voir Marine Le Pen accéder à la présidence de la République. À quoi servir-t-il ? En effet, de l'en empêcher si ses idées, celles de son parti, devaient y parvenir. Et la question ne concerne pas seulement les élections présidentielles. Ce serait un leurre de croire que tout danger serait écarté au soir du 7 mai si, un mois plus tard, des légions de députés de l'extrême droite et de la droite extrême faisaient leur entrée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, des réfugiés venus de Syrie, d'Irak, de Libye, d'Érythrée, de Somalie, du Soudan, veulent échapper au chaos. Le débat sur l'opportunité ou non de leur tendre la main est indigne de notre histoire et des valeurs universelles portées par la République. Les accueillir n'est ni un fardeau ni une invasion. C'est une obligation juridique et un devoir moral. Je suis venu ce soir vous exhorter, monsieur le grand maître. Je suis venu ce soir vous exhorter à prendre part à ce combat, à sortir de vos temples, à faire bénéficier davantage le monde profane de votre tradition, de votre regard, de votre excellence, de votre méthode, de votre savoir. Nous entrons dans un moment où les partisans de la République ont le devoir de ne plus se taire et de résister à l'offensive qui est menée contre elle. La France est un édifice solide et a toujours su terrasser ses ennemis. À chaque fois, la victoire de nos idéaux a été permise grâce à un sursaut de ceux qui se sont levés pour les défendre. Aucun extrémisme n'a survécu au soulèvement des partisans de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le moment du sursaut est venu, il a besoin de vous, et la LICRA sera à vos côtés. Ah oui, donc d'accord, ouais. Jakubowicz attaque les musulmans et le Front National, ça valide en quelque sorte l'analyse d'Alain Soral qu'il avait faite en 2012 dans Ce soir ou jamais. Et surtout, Alain Jakubowicz assimile au terrorisme et le Front National et l'islam politique tout en validant le grand remplacement, alors qu'on sait que par définition, ces gens-là sont musulmans. Pendant ce temps, Xavier, les manifestations de policiers continuent dans Paris et dans toute la France. As-tu des informations sur l'évolution de ce conflit ? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que alors, c'est évidemment le point de rupture, c'est quand les policiers, quand les gendarmes laissent passer les policiers et s'allient avec eux. À ce moment-là, il n'y a plus rien entre le peuple et le pouvoir. Alors, cela dit, une petite réflexion, c'est Bernard Cazeneuve qui paye les pots cassés, alors que c'est Nicolas Sarkozy qui a foutu la merde dans la police en instaurant une politique du chiffre complètement délirante, en supprimant 10 000 postes. Donc, je dirais que Cazeneuve qui a plutôt limité les dégâts. Alors, il a eu cette parole malheureuse en parlant de Sauvageon. Alors ça, c'est drôle, parce qu'à l'époque, c'était Chevènement qui avait utilisé cette expression et ça lui avait été reproché comme étant une marque de mépris. Et aujourd'hui, Cazeneuve utilise l'expression et ça lui est reproché comme étant un terme trop faible. Donc là, on voit bien l'évolution du discours politique. Bon, cela dit, il est évident que le principal responsable au niveau de la police, c'est Nicolas Sarkozy, et la hiérarchie policière, dont on sait qu'elle est également très liée et très imbriquée avec la franc-maçonnerie. Et on voit bien que les syndicats de policiers sont dépassés, la hiérarchie policière est dépassée. Et alors un homme s'est imposé un peu comme porte-parole de ce mouvement, c'est Robert Paturel, donc un ancien du RAID, qui a rédigé les manuels d'utilisation du tonfa, qui est un ancien champion de boxe française. Et donc, lui a déclaré, par exemple, je propose un truc. Donc, je propose un truc à Jean-Marc Falcone, qui est le directeur général de la police. Je propose un truc à Jean-Marc Falcone, qu'il se pointe dans un quartier chaud avec un pistolet à bouchon. On verra comment il s'en sort. Donc, c'est vraiment des déclarations inimaginables encore quelques temps. On va voir si Robert Paturel poursuit et réussit à s'imposer comme le leader de cette contestation, qui est... Pour le coup, un mouvement très intéressant. Beaucoup plus, je dirais, que Nuit Debout, bon, ça c'est évident, mais même encore plus intéressant que la Manif pour tous, qui, comme tu as pu le constater en faisant ton reportage, est finalement un mouvement assez inoffensif. On va suivre tout ça, Xavier, sur Égalité et Réconciliation et également dans Faits et Documents, bimensuel disponible par abonnement sur Internet à l'adresse www.faitsetdocuments.com. Xavier, merci beaucoup pour ton travail et toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine. Nous recevrons comme invité Alain Escada, le président de Civitas, désormais parti politique. Chers auditeurs, avant de conclure cette émission, je vous rappelle que Égalité et Réconciliation a besoin de vous. Si certains d'entre vous possèdent du matériel informatique, par exemple des ordinateurs portables dont vous voudriez vous défaire, sachez qu'ils nous seraient grandement utiles et notamment pour notre équipe de rédacteurs. Pour tout don de matériel, vous pouvez nous contacter à l'adresse redac-adjoint@e-r.fr. Merci à tous pour votre soutien. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Chaos Theory, son album Fate est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Rage of Angels. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.